son Air Max. Texte et production. Réussi en Mounir, elle a plus le choix. Elle beat, il est lourd. J'ai des choses à dire, écoute seulement, écoute. J'en ai marre, je prends l'air, mais l'état ne peut pas me chier là. Je les baisse dans tous les sens du sperme, mais rapproché là. J'ai grandi dans un F2, lit superposé là. Studio pas très studieux, mais ça pas posé là. Piqué, collégramme, mec, je te parle en kill là. Pute, polygame, mec, je te parle en kiff là. Je prends toute la monnaie, je vous laisse la pute de Lisa. Beurette, on se connaît, pique-moi ta Mona Lisa. On me dit de faire du sale, pas besoin de votre salut. Au moindre pute qu'on s'allume, à la moindre pute qu'on s'amuse. Capitaine de quoi refrer, je te baffe, tu retires ton chasuble. Capital de quoi être au fait, mais on tragale, assume. Aïe, ça pète au feu, à l'heure du photo feu. Aïe, toi dire ça gaz. Pauvre feu, je libère tes expressions. Va enfermer ta mère. Les keufs nous mettent la pression, les meufs nous mettent la même. Frère, si t'es fil en fer, tu vas te faire wet. La frappe est chère, pas tu n'arrêtes de faire mec. Mon équipe en R, mon équipe en Air Max. Mon équipe en R, mon équipe en Air Max. Tout en au labo, le lambeau ça rend beau. Tu marches vers le succès, moi je rappe, je suis pas dans la rando. TXT9, toi en fait, tu connais le tarot. Ta meuf aime les cœurs, on lui offre et toi on tarot. Punchline à 3 sens, S-line à 4 jantes. Espagne à 5 ou Espagne à 50. T'espères de me tester, frère, je suis déter sur la terre ferme. Hyper fier, hyper cute, hyper canne, elle est parfaite. Je vais faire ma place et mon oseille, je me sens dedans comme à l'hôtel. Vrai beurre, fierté, faux beurre, faux dette. Kick, kick, même au dépôt.